Portrait, une émission de Mike Lécuyer qui vous propose en quelques titres de retracer le parcours de musiciens qui ont marqué l'histoire du blues et du rock. Portrait. Alain de Rehm, dit Bill de Rehm, est un musicien français, chanteur et guitariste de blues, né le 3 février 1947 à Senlis, dans l'Oise. Dans son école catholique, il s'ouvre à la spiritualité. En cours d'anglais, il découvre le gospel, le blues et le folk grâce à un prêtre qui crée une chorale de gospel avec ses élèves. Ray Charles est sa première grande découverte de la musique noire, mais n'ayant pas de piano, son père lui achète une guitare. Après une année de médecine à Amiens et de kiné, il vient vivre à Paris en 1968. Avec Florentine, qui deviendra sa femme, il commence à jouer aux terrasses des cafés et dans les houtnanis du centre américain du boulevard Raspail, avec un premier groupe nommé Wandering. On le surnomme Bill car il chante souvent des morceaux de Big Bill Bronzy. Des titres du révérend Gary Davis ou de Pete Seeger sont aussi à leur répertoire. En 1969, il fonde le TMS Folk Center, qui propose chaque jeudi une aide aux toxicomanes et un concert. Au début des années 1970, sa spiritualité l'emmène jusqu'en Amérique du Sud, où il va aider des amis de Médecine sans frontières. Ensuite, il fera partie de l'association Les Morts de la Rue. En 1973, Bill participe à la création du Backdoor Juke Band, qui enregistre un 33 tours, In the Evening, avec Alain Giroux à la guitare, Laurent Jérôme au banjo et au kazoo, Jean-Jacques Milteau à l'harmonica, et bien sûr Florentine, cuillère et planche à laver. Bill de Rehm, quant à lui, est évidemment au chant et à la guitare 12 cordes. Amateur de la chanson française, de sa langue et de ses grands représentants comme Édith Piaf, Jacques Brel, Claude Nougaro, il décide de composer en français car son anglais n'est pas parfait et surtout il se rend compte que la plupart des gens qui l'écoutent au centre de post-cure thérapeutique rural où il est éducateur ne comprennent pas ce qu'il chante en anglais. Bill écrit ses premiers textes en français sur des cantiques du style gospel, qu'il enregistre avec Florentine sur le 45 tours Bill et Flo, Louange à notre Dieu, en 1977. Cette expérience, mêlant musique et spiritualité, rapproche Bill des bluesmen américains qui ont souvent commencé à chanter du gospel dans les églises avant de se tourner vers le blues. Bill de Rehm cherche la bonne formule, d'abord en groupe de blues électrique, Cargo, puis en trio, avec Christian Lancry et Jean-Jacques Milteau, pour enfin trouver sa voix, qui est douce quand il parle, mais devient puissante et vindicative quand il chante ce qu'il ressent sur le monde. Souffrance, misère, injustice, pauvreté. C'est le début d'une longue et belle série de compositions en français, qui se concrétise par un premier album chez Argyle RCA, qui paraît en 1979. Bildorem, tout simplement. Avec C'est dur, Baba Boogie, sur ma chaîne Bon Marché, et Minol Blues. Un vieux blues électrique. Bien sûr, dehors une vase. Et les gouttes de pluie sur les carreaux s'écrasent tout en faisant un sale bruit. Y'a vraiment rien à faire. Je ne suis pas un poète. Oh, je ne serai jamais Baudelaire, même en me creusant la tête. La pluie sur les carreaux inspire les voix artistes. Moi, ça me fait ni froid ni chaud. Je ne suis qu'un tout. Chercher trop longtemps dans la musique, les mélodies des airs nouveaux, des sons magiques. Mais pour moi maintenant, c'est sûr, y'a rien de meilleur que le blues qui se fout de mes malheurs. J'ai chanté un peu n'importe où, la vie m'a conduit. J'ai même gagné des sous dans le métro la nuit. Invité par Mauro Seri, mon ancien guitariste, et qui joue désormais avec Bill, je fais sa connaissance à la Cour des Miracles, petite salle à Montparnasse, où le groupe donne une série de concerts pendant plusieurs semaines. Le matin, il est là pour me réveiller. Pour l'album suivant, intitulé « Plus la peine de frimer » en 1980, on retrouve quelques musiciens du premier disque, comme Christian Lancry, guitare, Jean-Yves D'Angelo, clavier et Jean-Jacques Milteau, harmonica. Mais aussi Christophe Deschamps, batterie, Roland Lucot, basse, et Maro Seri, guitare, ainsi que Luther Allison, invité sur un titre. Plus la peine de frimer, Le chanteur maudit, Je me sentais mal, Un dernier blues. Plus la peine de frimer pour cacher le malaise. L'amour n'est bien peu de chose, mais faut pas que ça nous pèse. À la fin du parcours, bien ou mal dans notre peau, avec ou sans amour, faut lâcher le morceau. Plus besoin d'ailleurs, plus besoin de s'accrocher, plus besoin d'être à l'heure. Un passeport pour une vie nouvelle où coule de tous les bords du poulet et du miel. Ne crois surtout pas que ma chanson soit triste. Si elle parle de l'au-delà, c'est à cause d'un artiste qui chantait dans les rues. I'll be alright someday, ça sera super un jour, lui au moins je l'ai cru, juste parce qu'il y croyait. Et son premier tube, Faut que je me tire ailleurs, lui ouvre les portes des radios et télé, passant même au célèbre Collard au chaud sur Antenne 2. Y'a des jours comme ça, c'est pas la frite. Y'a comme un voile dans l'air qui fait que tout est gris. Y'a des jours où les heures devraient passer plus vite. Cet après-midi, je suis mûr pour la claustrophobie. Encore trois plombes à tirer dans ce bureau qui me sort par le trou de nez. Faut que je me tire ailleurs. Faut que je me tire ailleurs. C'est pas une vie. Change les idées, mais dès que le film est fini, on retombe dans la réalité. Faut que je me tire ailleurs. Faut que je me tire ailleurs. C'est pas une vie, mais toujours enfermé. Faut que je me tire ailleurs. Faut que je me tire ailleurs. Me pèse, je me sens devenir bossu. Y'a plus rien qui me branche. J'en ai plein le dos, plein les bottes et plein le cul. Faut que je me tire ailleurs. seul dans ce monde pourri. Avec ma petite, je peux même dire que ça baigne. Je suis sûr qu'on s'aimera toute la vie. De ce côté-là, pas de malaise, mais quand même par moments je vieillis. Faut qu'on se tire ailleurs. Faut qu'on se tire ailleurs. C'est pas une vie d'être toujours enfermé. Faut qu'on se tire ailleurs. Faut qu'on se tire ailleurs. Dans un avion qui n'est pas en papier. Écoutez Portrait, une émission de Mike Lécuyer. Période faste pour Bill Doreham, qui publie en 1981 son troisième album en 3 ans. Qu'est-ce que tu vas faire ? Toujours chez Argyle RCA, avec Laisse-moi une chance, que reprendra Johnny Hallyday 2 ans plus tard. Qu'est-ce que tu vas faire ? Bye bye Mr. Blues. Tout s'éclaire ce matin. Oh, c'est un jour avec. Hier déjà loin, j'ai la super pastèque. Ma Géraldine revient, sûre qu'elle s'en ira plus. Je pars attendre son train en courant dans les rues. Et son nouveau tube, Babylone, tu déconnes, qui deviendra sa chanson la plus connue du grand public. Assis près de moi en rigolant et en jouant avec un yo-yo. Yo-yo-yo. Il m'a demandé comment ça va. J'ai répondu un peu surpris. Moi je suis loin du nirvana, mais la vie c'est la vie. Il m'a raconté des tas d'histoires debout dans le compartiment. Quand j'ai vu tout le monde se parler comme une parole. C'est un comique en tenue de gala. Moi je l'ai revu depuis ce jour et j'aime bien aller le voir. Les médecins disent qu'il est mêlé, c'est vrai qu'ils se font la poire. Chambre 23, pavillon des Lilas. Si tous les hôpitaux du monde pouvaient chanter comme ça. Pour les trois albums suivants, c'est Lionel Gaillardin qui assure les parties de guitare solo. Tout d'abord, Entre deux eaux, qui paraît en 1982, où Bill Doreham parle de ses troubles bipolaires. À l'époque, on disait maniaco-dépressif. Plus d'une centaine de concerts l'amènent jusqu'à l'Olympia en 1983, où Bill enregistre un double album en concert à l'Olympia. Mais Bill n'est pas fait pour les paillettes et le star system, et ce tourbillon médiatique le met mal à l'aise. Il s'ensuit une période de plusieurs années où il se mettra régulièrement en retrait des médias, ce qui ne l'empêche pas de publier en 1984 l'album « Fauteuil piégé », où l'on perçoit un Bill Doreham bien désabusé dans les textes de « Cours, cours »,« Le mur »,« Dialogue de sourds » ou bien encore « Loser ». C'est un super loser, aristocratique, un descendant direct des rois fainéants. préfère bosser sur ta façon de marcher. Le showbiz s'est pris d'affection pour les blues de Bill et sa belle voix éraillée. Jusqu'à Johnny Hallyday qui reprend « Laisse-moi une chance » en 1983 sur son album « Entre violence et violon » et l'invite avec ses musiciens à la télévision pour reprendre en duo un medley mémorable de « Faut que je me tire ailleurs » et « Toute la musique que j'aime ». Mais le succès commence à lui peser. Ou plutôt tout le cirque qu'il y a autour du show business. Alors Bill, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ce que nous saurons bientôt dans la deuxième partie de ce portrait consacré à Bill Doreham. Ceux qui disent faut pas s'en faire, d'autres qui disent bientôt la guerre, d'autres qui disent ça sera la dernière, et d'autres qui veulent en être frères. Il y a ceux qui rament, ceux qui se libèrent, il y a ceux qui chantent pour les distraire, et d'autres qui voudraient les faire taire, et les contents, les contestataires. Toi qui sors à peine du ventre de ta mère, qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui sors à peine du ventre de ta mère, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Dans le désert, ceux qui dénoncent les tensionnaires, ceux qui disent non nucléaire, coude à coude avec leur grand-mère, d'autres qui se shootent parce que leur père était chômeur ou milliardaire, et d'autres qui n'ont plus que des prières, qui n'ont pas plus d'avoir souffert. Toi qui sors à peine du ventre de ta mère, qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui sors à peine du ventre de ta mère, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a ceux qui tombent dans la poussière tout en faisant tomber les barrières. Il y a tous ceux qui les laissent faire en disant que c'est pas leurs affaires. Il y en a qui écrivent sur les murs des cimetières dehors la main d'œuvre étrangère. Il y a tous les sincères qui dirige les masses populaires. Toi qui sors à peine du vent de ta mère, qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui sors à peine du vent de ta mère, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? L'enfer, y a ceux que l'enfer exaspère, y a tous ceux qui se mettent en colère, y a aussi ceux qui regardent en l'air, et ceux qui gardent les pieds sur terre, d'autres qui disent que tout dégénère, qui vaut mieux revenir en arrière. Toi qui sors à peine du ventre de ta mère, qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui sors à peine du ventre de ta mère, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'était l'émission Portrait. Bonsoir.